printemps, tu as invité tous tes amis à ton goûter. Et pour quoi faire? Eh bien, pour souffler toutes les bougies de ton anniversaire. Ta jeunesse derrière, bon anniversaire. Belles années derrière, bon anniversaire. Ta jeunesse derrière, bon anniversaire. Belles années derrière, bon anniversaire. Ta jeunesse derrière, bon anniversaire. Belles années derrière, bon anniversaire. Ta jeunesse derrière, bon anniversaire. Belles années derrière, bon anniversaire. Tout devient bizarre, le sens n'est plus le même. On m'interdit, on m'interdit, on m'interdisait d'être. Ces habitudes sociales, je les passe par la fenêtre. Je les retire, ces rituels sans l'air. Voici mes 30 ans. Pays des merveilles. Rejoignons donc Alice dans le sens du rêve. Rien n'est fait au hasard. On me trouble à cette fête. Leurs paroles te déçoivent. L'odeur de cigarette. J'ai dû me laisser faire. Me laisser avoir. La jeunesse devant nous plonge dans un idéal. Essuie, essaye et lave. Quel sens y a-t-il, mon frère? Les attentats qui bavent montrent-ils ce qu'il faut faire? Bon anniversaire, belles années derrière, bon anniversaire. Ta jeunesse derrière, bon anniversaire, belles années derrière, bon anniversaire. La vie t'a aimé, la vie t'a aimé, la vie t'a aimé.